Le Dieu créateur de l'univers veut être votre ami. Si vous le lui permettez, il deviendra pour vous un ami très intime, loyal et affectueux. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Considérez-vous Jésus comme votre ami? Vous sentez-vous à l'aise de discuter avec lui de vos rêves, de vos désirs ou de vos déceptions? Ou semble-t-il distant et peu intéressé aux choses qui vous préoccupent? Aujourd'hui, Charles Stanley nous pose une question. Sommes-nous conscients du fait que Jésus veut être notre ami? Avez-vous déjà expérimenté une relation ou une amitié qui a profondément transformé votre vie? Si vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez encore rien vu. Nous nous rappellerons que le Christ n'est pas seulement notre Seigneur et notre Maître, mais il est aussi notre compagnon le plus intime. Nous découvrirons aussi les caractéristiques d'une amitié sincère alors que Charles Stanley nous décrit qui est notre meilleur ami. Qui est votre meilleur ami? Vous savez, peu importe qui il est ou qui elle est, vous connaîtrez avec votre ami des périodes de malentendus ou de déceptions. Vous expérimenterez peut-être même le sentiment du rejet. Toutes ces choses peuvent faire très mal, surtout si elles proviennent d'une personne aimée qui est votre ami depuis longtemps, ou même parfois depuis peu longtemps. Nous vivons tous très difficilement ces malentendus, ces déceptions et ces sentiments de rejet. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter un ami semblable à nul autre. Vous n'aurez jamais pour le reste de votre vie un ami comme celui-là. Et je puis vous garantir ceci, il n'y aura jamais de malentendu entre vous, il ne vous décevra jamais et surtout, il ne vous rejettera jamais. Vous ne vous trouverez plus jamais seul. Et cet ami, ce meilleur ami de tous les temps, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous pouvons ouvrir notre Bible dans le 15e chapitre de l'Évangile selon Jean, où Jésus aborde le sujet de son amitié avec nous. Au début de ce chapitre, Jésus nous parle de notre relation avec lui. Il utilise l'image du cep et des sarments de la vigne. Le cep est la partie de la vigne qui transmet la sève aux sarments. Sans le cep, les sarments se dessécheraient et mourraient. Il décrit ainsi l'intimité de notre relation avec lui. Il poursuit ensuite en parlant du concept de l'amitié de Dieu pour l'humanité. Nous pouvons lire à partir du verset 12. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » J'aimerais vous faire voir comment il exprime son amitié et surtout comment il exprime son amitié envers nous. Il nous a exprimé cette amitié, entre autres, par un amour d'une telle intensité qu'il n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Avant même la création du monde, Jésus-Christ avait décidé d'offrir sa vie en sacrifice pour nous tous. Voici ce qu'il a fait pour nous. Alors que nous étions encore ses ennemis, parce que nous ne reconnaissions pas le fait qu'il nous ait créés et que nous lui devions tout, il a donné sa vie par amour pour nous afin de faire de nous ses amis. D'après vous, un ami prêt à donner sa vie pour vous est-il un vrai ami? Avez-vous le goût de mieux connaître un tel ami? Jésus-Christ est le meilleur ami qu'il vous soit possible d'avoir. Il désire être l'ami de tous, mais si vous le rejetez, si vous refusez d'entretenir une relation avec lui, si vous vous détournez de lui et si vous lui fermez la porte de votre cœur, même s'il désire être votre ami, il ne pourra pleinement exprimer son amour pour vous. Pour qu'il puisse exprimer son amour pour vous autant qu'il le voudrait, vous devez être prêt à reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, le Seigneur et le Maître, et qu'il désire être votre ami affectueux, sincère et intime, qui sera pour vous plus qu'un frère. N'oubliez pas, il peut faire des promesses qu'il est le seul à pouvoir tenir. Il peut accomplir des choses qu'il est le seul à pouvoir faire. Il peut vous permettre de devenir la personne que vous pourriez être. Lui seul peut vous aider à accomplir ce que vous avez à faire au cours de votre vie. Voilà le genre d'ami très spécial que Jésus est. Il nous a donc d'abord exprimé son amitié en sacrifiant sa vie pour nous. Ensuite, il nous a exprimé cette amitié en prenant l'initiative de se rapprocher de nous. Regardez le verset 16. Il prend clairement l'initiative. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Que veut-il dire par là? Simplement ceci. Nous n'avons pas décidé de devenir ses amis. C'est lui qui a pris la décision de devenir notre ami. Même si nous n'avions rien pour l'inciter à agir envers nous de cette façon. Ce n'est pas à cause de nos bonnes actions qu'il est devenu notre ami, ni à cause de notre attitude, de notre personnalité ou de toute autre caractéristique personnelle que nous pouvons posséder. Jésus a décidé qu'il voulait devenir notre ami à cause de son amour inconditionnel pour nous. Il voulait nous permettre d'accomplir son but et son plan pour notre vie. Vous voyez, si Dieu vous a créé avec vos qualités, vos limites et votre personnalité semblable à nul autre dans le monde, c'est que vous avez un rôle unique à jouer dans le plan qu'il a établi avant même de créer ce monde. Et vous pourrez réaliser pleinement votre potentiel personnel seulement si vous vous conformez à ce plan. Mais Dieu veut que vous collaboriez volontairement à son plan. Et c'est pourquoi il veut d'abord être votre ami. Quand nous regardons ce passage de la Bible, il est facile de voir que l'initiative de notre amitié a été prise par Dieu. Il nous a choisis en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Je dois maintenant vous poser une question. Comment avez-vous répondu à cette offre d'amitié? Qu'avez-vous dit pendant toutes ces années de votre vie où il vous a exprimé son amour de tant de manières différentes? Ou, si vous êtes encore jeune et que vous n'aviez jamais entendu parler de ces choses auparavant dans votre vie, comment réagissez-vous présentement à cette offre d'amitié? Jésus vous aime. Vous êtes précieux à ses yeux. Il veut que vous profitiez pleinement de ce qu'il peut vous offrir, car vous ne pourrez jamais rien obtenir de mieux. Comment répondez-vous à cela? L'avez-vous rejeté, méprisé? Vous êtes-vous détourné de lui? Ou avez-vous reconnu que cette invitation vient de l'amour et de l'intimité du Tout-Puissant Dieu de l'univers? Considérez ceci. Le Dieu créateur de l'univers veut être votre ami. Si vous le lui permettez, il deviendra pour vous une amie très intime, loyale et affectueux. Jésus exprime également son amour et son amitié pour nous d'une autre façon. Et son effet sur notre vie est révolutionnaire. Quand vous acceptez son offre, vous devenez un enfant de Dieu. Et à ce moment, dès que vous faites confiance au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, un changement radical survient dans votre vie. Tout change. Votre esprit change. Votre cœur, votre âme et même votre destinée éternelle. Tout se met à changer. Votre façon de considérer les événements et les personnes autour de vous change. Et il y a encore mieux. Quand vous devenez un ami de Jésus, il est déjà votre ami. Mais quand vous le reconnaissez comme votre ami, quelque chose de nouveau se produit. Il n'est plus seulement le Créateur, le Seigneur et le Maître qui dirige l'univers par son infinie puissance. D'une certaine manière, il descend du haut des cieux, il se place à votre niveau et vous commencez avec lui une relation tout à fait différente. Il n'est plus le Dieu distant, il est maintenant votre ami intime. Il vit dans votre cœur par son Saint-Esprit. Revoyons maintenant le verset 15 de ce passage. Il contient plusieurs éléments et certains pourraient être difficiles à comprendre. Lisons Jean chapitre 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus parle alors à ses disciples. Il leur dit qu'il leur a exprimé son amitié en leur révélant des choses qu'ils n'auraient jamais pu découvrir sans lui. Il leur a dit que, puisqu'il était maintenant leur ami, il leur faisait connaître toutes les choses qu'il avait entendues de Dieu. Un ami sincère et intime révélera à ses amis des choses qu'il ne dira à personne d'autre. Avez-vous le genre d'ami à qui vous pouvez faire des confidences et lui dire des choses que vous ne diriez jamais à personne d'autre? Ce genre d'ami n'ira jamais dire à d'autres ce que vous lui avez dit. Avec lui, un secret reste un secret. Jésus n'a pas nécessairement dit des secrets à ses disciples, mais il leur a révélé des choses. Il a soulevé le couvercle de l'éternité pour leur permettre de regarder à l'intérieur. Ils ont pu voir toutes les choses que Dieu le Père avait dites à Jésus. Et il leur a rapporté toutes ces choses parce qu'il était leur ami et parce qu'il voulait être leur ami intime. Et la seule façon de devenir intime avec quelqu'un, c'est d'ouvrir notre cœur et notre pensée, de parler de ce que nous connaissons, de ce que nous avons vécu, de ce que nous ressentons, des situations que nous avons vécues et d'autres que nous vivons encore. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec ses amis. Un autre élément qui pourrait porter à confusion est celui-ci, au verset 14. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » La signification de cette phrase n'est pas une forme de chantage où Jésus nous dit qu'il sera notre ami si nous faisons ceci ou cela. Nous n'avons pas besoin de répondre à des standards élevés pour devenir son ami et pour être sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Sa bonté, son amour et sa gentillesse envers nous n'est aucunement motivée par notre valeur personnelle. Nous n'avons jamais rien fait et nous ne pourrions rien faire pour forcer Dieu à nous aimer comme il nous aime. Rien de ce que nous pourrions faire ou dire ne nous méritera autant de considération de sa part. Il nous aime parce qu'il en a décidé ainsi, en toute liberté. Son amitié envers nous n'est donc pas basée sur notre valeur personnelle, mais sur son amour inconditionnel. En nous rappelant bien ceci, nous pouvons bien comprendre ce verset 14. Lorsqu'il dit que nous sommes ses amis, si nous faisons ce qu'il nous commande, l'accent est placé sur la transformation qui s'opère en nous. Cette relation sera fantastique si vous faites ce qu'il vous commande de faire. Et que nous commande-t-il de faire? Il répond à cette question au verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus nous enseigne que lorsque nous commençons à nous aimer les uns les autres, notre vie subit une transformation radicale. Notre vie reflétera le désir de Dieu pour elle. Que nous nous aimions les uns les autres. Une des choses remarquables qui arrivent aux gens qui tombent en amour avec Jésus-Christ, c'est qu'ils sont plus en mesure d'aimer les autres. En fait, plus vous aimerez Jésus-Christ, et plus grande sera votre capacité d'aimer quelqu'un d'autre. Car plus nous l'aimons, et plus nous lui ressemblons. Et plus nous lui ressemblons, plus nous serons capables d'aimer les autres de la même façon qu'il nous aime. D'un amour qui recherche l'intérêt de l'autre, pas le nôtre. Pourtant, nombreux sont ceux qui vivront dans la solitude toute leur vie. Peut-être aurez-vous des amis de circonstance. Peut-être même pourriez-vous avoir de proches amis. Mais à moins de découvrir cette intimité avec Jésus-Christ, vous ne serez jamais capable d'expérimenter une amitié de cette profondeur avec une autre personne. Vous ne pourrez jamais exprimer autant votre amitié pour quelqu'un d'autre si vous ne tombez pas d'abord en amour avec le Seigneur Jésus-Christ et que vous reconnaissez quel ami fidèle il peut être pour vous. Ce n'est pas que nous méritons son amitié qu'il nous aime, mais c'est simplement dans sa nature d'aimer sans raison. Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Et comment nous a-t-il aimés? Il a donné sa vie pour nous. N'est-ce pas là l'expression ultime de l'amour? Et il veut que nous nous aimions de la même façon. Qu'en pensez-vous? Qui aimez-vous à ce point? Quelle amitié est assez précieuse à vos yeux au point de vous risquer à la protéger par votre propre vie et si le besoin s'en faisait sentir? Avez-vous un ami intime que vous aimez assez pour lui donner littéralement et physiquement votre vie? En y réfléchissant, vous pensez peut-être que vous pourriez vous sacrifier pour un membre de votre famille. En êtes-vous certain? Oui? Très bien. Maintenant, essayez de penser à quelqu'un extérieur à votre famille, comme un ami que vous aimez beaucoup. Seriez-vous prêt à donner votre vie pour lui? Je crois qu'il existe des personnes disposées à le faire. Or, je crois aussi que, très souvent, nous pensons entretenir des amitiés sincères et intimes, mais nous avons quand même certaines restrictions. Et notre propre vie en fait partie. Regardons maintenant Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous avons déjà parlé de la possibilité de donner physiquement sa propre vie pour quelqu'un d'autre. Considérons maintenant la chose sous un autre angle. Laissons de côté les grandes actions d'éclat pour nous concentrer sur les sacrifices de la vie ordinaire. Je pense par exemple au fait de renoncer à mes buts et à mes objectifs personnels pour mon ami. Suis-je prêt à renoncer à mes idées, à mes désirs et à mes besoins? Suis-je prêt à mettre tout cela sur la table afin que mon ami puisse grandir parce que je l'aime? Quand nous devenons des chrétiens vivants, une relation vraiment intime avec Jésus-Christ, nous en venons à renoncer à notre vie, c'est-à-dire que nous renonçons à notre ancienne vie. Nous délaissons nos vieilles idées et nos vieilles perspectives, et parfois nous devons même renoncer à de vieux amis. Le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ est parfois très exigeant. Et pour qu'il puisse nous aider à atteindre ce que la vie nous réserve de meilleur, nous devons renoncer à notre vie et lui dire « Seigneur, je ne veux plus vivre ma vie, mais je veux maintenant que tu vives ta vie en moi et à travers moi. » Dieu désire vivre avec nous une relation dont l'intensité dépasse les limites de l'entendement humain. Et rappelons-nous qu'il a déjà démontré sur la croix ce qu'il était prêt à investir dans notre vie pour réaliser cet objectif. Et la croix n'était qu'un début. Il veut être le genre d'ami qui n'est pas indifférent ou distant, mais un ami aussi affectueux, intime et personnel qu'un Dieu peut possiblement l'être. Il exprime son amour de différentes façons. Il nous met par exemple au défi d'atteindre notre plein potentiel et de pousser nos accomplissements aux limites du possible. Beaucoup de chrétiens se contentent d'écouter des sermons, de lire leur Bible et de chanter des cantiques. Prenons par exemple, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous chantons ce verset. Nous en lisons les paroles, la mélodie sort de notre bouche, mais nous ne ressentons rien. Je peux chanter tout en ayant ma pensée ailleurs pendant tout ce temps, parce que je connais les paroles par cœur. Mais Jésus désire être notre ami. Il veut être quelqu'un que nous aimons, que nous chérissons, que nous désirons. Car c'est ce qu'il est pour nous. Il est celui qui s'est révélé à nous. Il veut nous voir atteindre notre plein potentiel. Voilà ce qu'il nous enseigne dans ce passage au verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et ici, il ne s'adresse pas qu'aux apôtres, mais à nous tous. Nous sommes tous appelés à porter du fruit. De quel fruit s'agit-il? Du fruit de l'Esprit, décrit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le genre de qualité que nous devons reproduire dans notre vie, en plus des bonnes œuvres, du don de soi pour les autres et de tout service qu'il nous demande d'accomplir pour lui. Une des façons d'exprimer son amour est de donner tout ce que nous avons et ainsi d'atteindre notre plein potentiel. Je ne crois pas qu'on puisse atteindre son plein potentiel si Jésus n'est pas notre meilleur ami. Il est tellement plus aisé de tout donner à quelqu'un qui nous a déjà tout donné. Nous ne faisons que reproduire ce que nous voyons en lui. Nous ne pouvons accomplir tout ce que Dieu a préparé pour nous s'il ne devient pas notre ami. Car, aussi habile et doué qu'on puisse être, nous sommes limités sans lui. Nous ne serons jamais capables d'atteindre l'objectif de Dieu dans notre vie. Nous ne serons jamais en mesure de ressentir l'amour profond, éternel, sincère et intime qu'il nous voue. Mais la question est encore de savoir si vous voulez être son ami. Son amitié est accessible à tous. Mais est-il votre ami? Selon son point de vue, il est notre ami. Mais est-il votre ami selon votre point de vue? Ou êtes-vous une de ces personnes qui a passé sa vie sans vraiment penser que Dieu pourrait être votre ami? Savez-vous quand la plupart des gens font appel à Jésus? Quand ils sont au plus bas. Savez-vous quand ils le supplient le plus? Quand ils mordent la poussière? Savez-vous quand leur arrogance, leur incrédulité, leur scepticisme et leur athéisme s'écroulent? Quand ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'autre issue et qu'ils espèrent que nous, les chrétiens, avons raison. Et ils supplient Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils supplient Jésus dont ils ont vaguement entendu parler. Et ils reconnaissent finalement, lorsqu'ils sont sauvés, quel ami fidèle et tendre se tenait à leur côté depuis le début, sans qu'ils s'en doutent. Il reste une justice sur cette terre qui nous rend tous égaux, c'est la mort. Car nous devons tous mourir un jour et comparaître devant Dieu. Supposons maintenant que vous mouriez sans être devenu l'ami de Jésus. Que se passe-t-il alors? Vous pensez peut-être que tout sera fini et que vous disparaîtrez. Eh bien non. Vous pensez vous évaporer dans la nature? Cela n'arrivera pas. Si vous mourrez sans être devenu l'ami de Jésus-Christ, vous serez séparé de lui pour toujours, séparé pour l'éternité de celui qui vous a tant aimé pendant toute votre vie, séparé de celui qui a offert sa vie en sacrifice pour vous, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous aimait, et parce qu'il voulait nouer cette merveilleuse relation intime avec vous. Du fond du cœur, je ne vous souhaite pas de mourir sans le connaître, car il eût mieux valu ne jamais être né que d'être séparé pour l'éternité de ce Dieu qui voulait tant être aimé de vous. Mais il ne vous forcera pas. Et si vous n'avez pas voulu de lui pendant votre vie sur terre, il ne vous imposera pas sa présence pour toute l'éternité. Si vous croyez que l'enfer est sur la terre, vous n'avez vu ici-bas qu'un faible échantillon de ce que signifie vivre sans Dieu. Le pire vous attend, ou bien le meilleur, c'est selon votre choix. La balle est dans votre camp. Vivre sans lui est une tragédie quand vous pourriez comprendre et goûter à ce que la vie vous réserve de meilleur, car telle est sa volonté pour nous tous. Jésus est ce genre d'ami. Vous demandez-vous en quoi tout cela vous concerne puisque vous n'êtes même pas chrétien. Premièrement, laissez-moi vous dire ceci. Avec tout l'amour que j'ai reçu du Seigneur, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Car même s'il désire sincèrement être votre ami, il ne le deviendra pas si vous le rejetez. Mais si vous êtes prêt à lui demander pardon pour vos péchés, si vous êtes disposé à lui faire confiance comme sauveur personnel, ce qui signifie que vous croyez que sa mort sur la croix a complètement payé la dette de vos péchés sont pardonnés. Votre nom est inscrit pour toujours dans le livre de vie de l'agneau. Vous devenez un enfant de Dieu pour l'éternité. Et Jésus devient votre ami, un ami disponible si vous le lui permettez. Peut-être croyez-vous déjà en Jésus, mais vous n'avez jamais considéré les choses sous cet angle. Vous n'avez jamais pensé qu'il pouvait être votre ami. Je vous encourage alors à vous poser les questions suivantes. Est-ce que je vois vraiment Dieu dans ma vie de cette façon? Est-ce que je crois vraiment qu'il m'aime autant? Est-ce que je crois vraiment qu'il est assez réel à mes yeux pour répondre à tous mes besoins? Car il l'est, ou il le sera, si vous le lui permettez. Il vous prouvera qu'il est le meilleur ami qu'un homme ou une femme puisse avoir. Prions. Père éternel, nous te sommes tellement reconnaissants d'avoir envoyé le Fils de Dieu, ton Fils bien-aimé, pour devenir notre Sauveur. Et je prie que le Saint-Esprit se serve de ces vérités pour sonder notre cœur. Qu'il nous révèle si le genre d'amis que nous sommes reflète le genre d'amis que Jésus est pour nous. Nous voulons répondre adéquatement à son amour en l'aimant en retour, en lui obéissant et en le servant. Oui, nous voulons vivre pleinement cette amitié avec toi, Seigneur Jésus. Nous te prions en ton nom. Que ta volonté soit faite. Ainsi soit-il. L'offre d'amitié de Jésus-Christ est disponible pour nous tous. Lui avez-vous permis de devenir votre ami? Charles Stanley vous a encouragé aujourd'hui à prendre la main tendue de votre Sauveur Jésus-Christ. Si vous le voulez, il deviendra votre ami intime. Jésus nous a montré son immense amour en se laissant crucifier pour nous sauver de notre péché. Nous lisons dans Jean, chapitre 15, à partir du verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.